faire un petit Elvis. Ouais, mais c'est quoi les accords, je me rappelle. Faut trouver sur internet. You know, I can be found sitting on the floor. Ça va être ça ma tonalité. Bon, je vais faire au départ. Henri. En 48. Solo. Tu veux faire autre chose? Je chante toujours les mêmes chansons.